problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, 163e édition. Vous êtes en compagnie de Frédéric Barbouchy et Jean-Philippe Durand. Salut Fred, t'es très bon. Merci. Martin Boily. Oui, salut JP, salut Frédéric. Et Mathieu Bouillon. Il y a erreur sur la personne, je ne suis pas Mathieu Bouillon. Mais on t'est qui, tu parles pareil? Puis deux, qu'est-ce que tu crées chez nous? Mon nom est Tamieux Youbon. Tamieux Youbon, c'est super ça. Hey, mettons là, sur 10, cette blague-là, c'est combien sur 10? Un, c'est quoi? Un, c'est pas bon. Un. OK. pas si pire, j'entendais genre à moins 3. Ouais, je vais y aller avec des lettres. Non, si ça avait été insultant pour une communauté, je serais allé en bonheur. OK, ouais. Ouais. Un peu, peut-être. C'est tellement mauvais. Bon. Oui, merci toujours à Martin de nous accompagner. Hey, ça fait plaisir, hein? Oui. On aime vos commentaires sur Martin. Oh, c'est qui ce Christ-là? Oui, tous ces beaux commentaires-là. J'aime moi qui les écris. Antoine. Ouais. Non, mais moi aussi, je trouve qu'Antoine me manque. Mais Antoine fait dire salut. Hein? Mm-hmm. Puis vous pouvez l'écouter à Lunch de fou. Oui. Tout pour Red. Yeah! Il a upgradé, il est rendu dans un plus grand studio avec des vedettes. Oui. C'est fou. Hein? Des vedettes comme Étienne Dano. Oui. Alors. Des autres. Alors. On a un problème cette semaine, Fred. Oui. Qui nous vient de Baudouin Van Humby. Oui, un ami belge. Oui. Qui nous écrit « Voici une proposition pour vos petits remue-ménages. » Oh! Oh! Condescendant. C'est ça, les Belges, hein? Donc. Incroyable. Oh. Comment réussir le crime parfait? Mais un petit crime parfait. C'est pas pour moi, c'est pour offrir en classique du coin. Mais c'est pas belge, plus parisien, ça. Ah, je sais pas, je fais les deux. Non, belge, là, je vais me sentir insulté. Les Belges, c'est pas pour moi, c'est les Belges. Oui, non, ça c'est MC Solar. Je suis un Belge en vacances. Alors, on est en train d'insulter un continent. Ah, je suis pourri. Les bitches, c'est pas plutôt comme les bitches. Non, ça c'est déjà méchant. Ouais. OK, le crime parfait, mais définissons crime parfait. Ben, c'est de commettre quelque chose qui n'est pas permis puis de s'en sortir. Ouais. C'est ça, sans conséquence. Oui. C'est ça le crime parfait. Mmh. Zéro conséquence. Zéro conséquence, zéro indice. En fait, je pense que c'est ça que ça implique. Ouais. C'est de laisser zéro indice, zéro preuve. Il faut que les policiers ou les instances. Trouvent... même la famille, mais ça peut être voler un biscuit. Il faut que le monde réalise qu'il est arrivé quelque chose, mais qu'il n'y ait aucune piste pour déterminer qui aurait pu le faire. Exact. Parce que je pense que le plus grand problème, des fois, c'est de la tentation de dire à quelqu'un qu'on a commis le crime parfait. Ouais. C'est là. C'est se vanter. C'est là la fuite, Là, c'est pas parfait. Ouais. Comme Sideshow Bob, dans le fond. Qui raconte toujours comment il l'a fait. Tu sais. Parce qu'il réussit en chanson. En chanson, il finit par chanter le HMS Pinafore pour sauver du temps. Mais comme tous les films de méchants, parce qu'il faut toujours une explication, James Bond est basé là-dessus. Oui, c'est vrai. Le méchant qui explique. Non. Oui. Puis. Austin Powers aussi, je crois. Ouais. J'ai une question pour vous. Diriez-vous qu'un crime complètement gratuit, mettons toi, Martin, là, je te mets au défi, puis tu rentres là, dans une maison en portant des gants, puis tu tues, mettons, la madame qui dort, puis tu t'en vas. J'imagine un crime sans mobile apparent doit être vraiment dur à élucider pour les enquêteurs. Ouais. T'sais, s'il y a personne qui connaissait cette personne-là, rentre dans une maison, tue quelqu'un, part avec l'arme du crime, laisse aucune empreinte, il va avoir de la misère à remonter jusqu'à cette personne-là. Exact. Ouais. Mm-hmm. Mais on cautionne pas faire des choses illégales, mais pour le besoin de la cause, on va quand même donner des solutions. Ouais. Mais tu sais, un crime parfait, il faut qu'il apporte une certaine satisfaction aussi. Ouais. Là, que ce soit un vol, tu fais ça pour avoir de l'argent. Ouais. Fait que l'idée d'entrer chez quelqu'un puis de tuer n'importe qui, à moins que tu sois un sadique. Les psychopathes, c'est souvent ça, les tueurs en série vont faire ça, c'est pourquoi ils sont durs à attraper, parce qu'ils sont imprévisibles. Ouais, c'est ça. C'est pas comme un chum qui tue sa blonde après une chicane, où là, c'est facile de remonter jusqu'au chum parce qu'il y a des témoins qui vont dire « ouais, il s'entendait pas super bien. » Ou un ours qui vole du miel. Disons. Oui, ça, ça. Ouais. Ouais. Mais on sait que les ours font ça. On sait que cet ours-là est particulièrement gourmand. C'est la première fois que cet ours-là fait ça. Moi, je pense que la première fois que j'ai entendu crime parfait, c'était dans l'annonce des gâteaux Deep and Delicious des années 90. Le crime parfait existe-t-il? Puis tu sais, c'était genre Laura Secor qui allait voler. Non, oh, c'était Marie-Antoinette qui allait voler du gâteau Deep and Delicious dans le congélateur. C'est peut-être ça, le crime parfait. Ouais, c'est s'acheter un gâteau Deep and Delicious puis le manger. Ou avoir créé cette pub-là. Ouais. Ça, c'est un peu le crime parfait. Mais sinon, le crime parfait, JP, c'est pas un titre d'un film? Oui. Plusieurs. Oui, plusieurs. De plusieurs. Ben, en tout cas, c'est une espèce de film policier un peu mollo, je pense. Ben, je pense que si tu veux faire le crime parfait, réengage les comédiens du film, que je ne sais pas c'est qui. Loue-toi une petite salle, une caméra, juste le texte, prends le texte, les amis. Et refais-le dans ton salon. Tu vas faire le crime parfait. Ouais. C'est une façon de le faire. Mm. Si on parle de littérature policière, tu sais, les 10 petits nègres, il l'a réussi à 100% son plan. Vous vous rappelez-vous de comment avez-vous lu ça? Je me rappelle pas, comment ça finit? En fait, c'est que le gars qui a tout orchestré, il meurt, dans le fond, c'est l'avant-avant-dernier à mourir. Mais tu sais, tout le reste, il se base sur la psychologie des gens, tu sais. Fait qu'il a complètement réussi son crime parfait, lui. Ouais. Mais il est mort à la fin. Oui, mais il voulait mourir. Okay, mais c'est sûr, c'est facile d'être parfait dans ce temps-là. C'est facile. Ah oui, mais c'est ça. Si tu finis ça en mourant, tu te feras pas pogner rien. Exact. Mais c'est, d'après moi, c'est pas parfait si tu t'en sors pas vainqueur et vivant. Ouais, mais c'est ce qu'il voulait. Ouais, c'est ce qu'il voulait. Ouais, parfait dans le sens, c'est ton intention, c'est dans l'intention qu'il faut chercher. Mm-hmm. Faudrait peut-être demander à O.J. Simpson aussi. Ouais. Ah, oh, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. C'était parfait. Ouais, ça aurait été filmé. Il y a des vidéos qui sont sorties ouais, deux. Ah oui, c'est ça. C'est ridicule, ouais. Mais en fait, cette nouvelle-là est sortie genre dans le Halo Police, là, dans rien de sérieux, sinon il y en aurait parlé. Martin, s'il te plaît. Oh, c'est vrai, la Halo Police. Avec des peu de reviews au Québec. C'est très sérieux. Les sexcitations, d'ailleurs, que j'aime les... Oh, c'est tellement bon. Mais avec toutes les séries policières là, qu'on voit à télé, on se dit, peu importe, là, si je fais un crime, ben, genre tuer quelqu'un, ils vont trouver une pellicule, puis ils vont dire, c'était lui. CSI, dans la série télé Dexter, je pense que Dexter montre comment réaliser le meurtre parfait. En se tenant avec du monde vraiment, vraiment fiche. Oui. Non, mais en ayant une job au sein de la police. Oui, c'est vrai. En ayant une technique là, pour laisser aucune trace et en ayant un bateau pour pouvoir déposer dans le courant. Oui, ouais, c'est vrai. Mais il faut juste pas garder une petite goutte de sang de chacun de ces... Non, c'est vrai, c'est l'erreur. Ah, non. C'est une erreur. C'est pas fort, ça. Ils collectionnent. Ça, c'est ça. Ouais. Ben, ça, c'est comme tous les Jeffrey Dahmer de ce monde là, qui gardaient des traces hideuses de leur... Est-ce qu'on va tout de suite sur Twitter? Oh oui! Oui, on a Steve Lébeque qui a commencé en se faisant pas prendre, évidemment. Mmh. PH Chartrand, soit dans une manif, la police est trop occupée anyway. Utiliser la manif. C'est dur, détourner l'attention. Ouais. Imagine un pickpocket dans une manifestation, doit être dur à pincer. Bing, bing. Oh, oui. Manifestation puis tout même nu, si, en plus. Même si un des manifestants va voir la police, hey, lui, il m'a volé mon portefeuille. Ben oui, c'est ça, zéro. Oui. Hein? Ben ouais, j'irai pas t'aider, mon petit calice. Mm-hmm. Mais tu sais, les gars qui volent des bicycles, c'est-tu des crimes parfaits, tu sais, qu'ils se font pas arrêter? Moi, j'ai surpris quelqu'un quand j'habitais à Québec. J'ai surpris quelqu'un à 3h du matin en train d'essayer de scier mon canot de bicycle. Je l'ai surpris en ouvrant la porte. Il était direct devant moi, un petit bonhomme. Moi, oui, il s'est sauvé. Mais c'était pas un crime parfait, ça. C'est pas un crime parfait. Mais moi, je pense que plus le crime est petit, plus c'est facile de le rendre parfait. Ah oui, il y a ça. Les deux extrêmes. Le petit biscuit. Ouais. C'est au centre que c'est difficile. Ouais. Parce que quand tu fais un crime énorme, mettons en finance, des choses comme ça, mais ils sont hyper backés, ils sont préparés. C'est vrai. C'est les deux extrêmes qui sont simples. C'est le centre qui est compliqué. Quand t'as pas de moyens. Eux autres, ils transforment. Ils font du lobbying pour que ça devienne plus un crime. Mais c'est ça. Puis ils ont surtout pensé d'avance. C'est jamais des choses qui se font de pulsion. Ça se prépare depuis 12 ans. Donc, le crime parfait, ça fait pas ça. Peut-être. Des complices. Oui. Admettons qu'un ministre vole une gomme et le lendemain passe une loi comme quoi que la gomme est maintenant gratuite. Oh! C'est un crime parfait. Vous rappelez-vous de Ashley Judd dans le film, là, tu sais, qu'elle est accusée d'avoir tué son mari? puis qu'il était pas mort pour vrai, puis qu'elle pourrait le retuer parce que tu peux pas être condamné deux fois pour le même crime. Hein? Ça, je... C'est le oui, présumé ouais. coupable. Ouais, c'était ouais, ça, ouais, le titre ouais, du ouais, film. Ouais. Elle se ramassait dans une tombe, maintenant. C'était pas pire. Tu peux pas être coupable ouais, ça, deux fois du même crime. Ouais. C'est-à-dire si tu vas voler deux fois la même banque... Non, mais si tu te fais condamner pour avoir volé cette banque-là, mais tu l'as jamais fait, puis là, on réalise que tu l'as jamais fait, mais t'as fait ta peine, t'as purgé ta peine. Ouais, t'as ben là, je m'en vais. Hey, excusez les amis, j'ai le droit. Moi, j'en profite. J'ai déjà fait ma peine. Ouais. Ou sinon, tu planifies ce que tu veux faire. Tu vas directement au bureau de police dire, excusez-moi, je planifie de faire un meurtre et de voler la fortune de richissime ouais. milliardaire. Est-ce que je peux faire ma Est-ce que je peux faire mon temps tout de suite? Donc, au moins, à la fin de mes jours, je vais la passer riche. Toi, je t'ai-tu? Allez! Mais sinon, de ne pas laisser de témoins. Ben oui, c'est ça. Ouais, de ne pas en avoir. Tuer tout le monde. Ouais. Ouais. Mais tuer tout le monde, littéralement. Là, être le dernier ouais. survivant de la planète. Pire. C'est pas pire. Mais c'est parce qu'on on laisse... Ouais, je pense que on laisse des détails, des pistes possibles. Tu sais, c'est toutes les histoires de détectives, là, Sherlock Holmes, puis tout ça, il y a toujours une petite affaire, un détail que le fautif n'a pas... Mais c'est ce qu'on entend dans la littérature, puis dans les films, puis dans les faits divers, mais moi, j'ai l'impression que dans les faits, il y a beaucoup de crimes qui restent irrésolus. Ouais. Je pense qu'il y en a des crimes parfaits. Oui, c'est ça. On les connaît pas, ceux-là. Oui, mais tu sais, les philosophes te diraient que la conscience n'est jamais propre. Il n'existe pas de crime parfait parce que tu le sais, toi, que tu l'as fait. Ouais. Il faudrait avoir la conscience. Ça ferait effacer la mémoire en plus. Oui, se faire hypnotiser. Peut-être, Non, mais de l'autosuggestion, quelque chose, de se faire « je l'ai fait pour une bonne cause », De pousser quelqu'un à commettre le crime à ta place. Oui, c'est ça. Mais la conscience, c'est complet, c'est pas parfait. Mais le suggérer, puis jamais apprendre la concrétisation de ce crime-là, mettons. Mm. Comme ça, tu te sens moins mal. Tu je le sais pas, Peut-être élaborer des plans de crimes parfaits. Ouais. Les mettre sur Internet, dans un, je sais pas moi, un forum lugubre. Là, Pis, de pas fin. Mettons Vrac TV. C'est ça. As-tu 13 ans? Et puis, peut-être mettre juste un petit lien, si jamais ça fonctionne, envoie-moi telle affaire. Puis là, les crimes parfaits sont réalisés par d'autres mondes. Ouais. Puis toi, tu récoltes des petites affaires. Je sais pas. Ben, j'ai d'autres exemples de crimes parfaits issus de romans policiers. Il y avait le meurtre de l'Orient Express. Spoiler alert, là, mais en fait, c'est que tous les passagers du train étaient coupables. From a century ago. Sinon, il y avait ABC contre Poirot de Agatha Christie. Ça, c'était un des très bons. C'est un film ou... Ben, ça a tout été fait en film. C'était bonne, cette série-là, d'ailleurs. Avec David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot. En fait, c'est que le gars... Les victimes mouraient en ordre alphabétique, mais le crime, on se rendait compte que c'était le gars qui voulait tuer un gars dont le nom commençait par D. T'sais. Fait que tuer plein de monde, mais genre juste pour cacher son crime. Ouais. Fait que... Voilà. Crime parfait, peut-être. Ah ouais. Mais, c'est fait mais présentement, des gens qui croyaient faire les crimes parfaits, la commission... C'est parfait, mais jusqu'à quand? Attends, il y en a peut-être qui vont s'en sortir puis ils vont l'avoir commis, le crime parfait. Tu sais, je veux rien avancer, mais mettons Jean Charest, là, il n'est plus là, il est parti. Il y a comme des gens qui s'en sortent avant que la tempête arrive. On sait jamais. Peut-être que ça va les rattraper. Justement, il n'est plus en situation de pouvoir. Fait qu'il est nommable. Tandis qu'il ne l'était pas avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme Gérald Tremblay, là, ce qui arrive présentement. Une bonne idée. Mettons, tu sais, les Mormons peuvent avoir autant de femmes qu'ils le veulent. Mettons que tu te maries avec plein de femmes qui peuvent toutes pas témoigner contre toi en cour. Fait que ça, c'est peut-être le crime parfait. Ouais. Tu commets un crime devant toutes ces femmes-là, puis on n'a rien vu, on ne peut pas le dire. On aime tous égal. On aime tous égal. Vive Salt Lake City. Ouais. Ça, c'est peut-être ça. Ouais, ou de faire un crime devant personne. Tuer des fantômes. Tuer des fantômes. Faire un crime qui est juste un crime à ton échelle à toi. Oui, c'est ça. Mais quel crime... vous aviez la possibilité de faire le crime parfait, ouais. Qu'est-ce que vous feriez comme crime? C'est une bonne question. Moi, c'est sûr que ça implique de l'argent. Oui, ouais, c'est sûr que ça implique de l'argent. Je ne serais jamais capable de tuer quelqu'un. C'est le poids sur la conscience serait terrible. Tandis que l'autre, c'est un peu une affaire intangible quand même. Mm. C'était de l'argent. Moi, ce serait parquer mon char dans une zone handicapée. Ben moi, pour toujours! Tu conduis même pas. C'est vrai, je conduis pas. Un crime parfait que j'ai déjà fait régulièrement, c'est de rentrer au cinéma avec un ticket. Ah, et oui. Après le film, changer de salle ça, et aller voir un deuxième film gratuit sortir de là. Crime parfait. Ouais. Ah, je suis content. C'est vrai. Mais moi, vois-tu, je trouve que c'est un bonheur d'adulte d'être capable de te payer deux billets. Mm. Oui, mais c'est un crime parfait dans le sens de zéro remords. Non, c'est ça, exact. Ouais. Non, non. Oui, c'est sûr que maintenant... Mm. Mais tu comprends ce que je veux dire? À part peut-être la fin des cinémas. Ouais. Ou le 3D imposé maintenant pour augmenter les billets parce qu'il y a des gens qui payent pas. Ils font pas. Ça, ouais. Mais, un crime parfait, c'est trouver 20$ à terre, mettons. Ah ouais. C'est pas un crime, mais c'est comme notion, parfait. Ouais, Mais les téléchargements illégaux, c'est pas un genre de crime parfait. C'est un peu un crime parfait. Parce que, mettons, moi, pas que j'ai fait ça, là. Mais tu connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui l'a déjà fait et il le fait régulièrement. Il n'y a aucun problème sur la conscience et jamais le D'ailleurs, FBI. Ça lag sur ton ordi. Hein, et les sisters. Oui, excuse-moi. Ouais. C'est, Tu connais donc bien les termes, Jean-Philippe. J'ai lu ça sur l'ordi de Martin. Ouais. Quelqu'un qui s'en tirerait bien avec un crime facilement, ce serait le violeur de Helen Keller, la sourde, muette et aveugle. Oui. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Lui, il s'en sort. Ouais. Lui, il est mort de rire aujourd'hui. Hein? Mais habituellement, la victime ne peut pas vraiment témoigner, peu importe si elle voyait. Puis... Ouais, c'est ça. C'est plus touché, ces blagues-là de viol. Hein? Mais il y a aussi les crimes. Surtout qu'ils ont demandé de remimer ce qui s'est passé en justice. Oh oui, voilà. Les crimes à la Robin Hood, là, où Tu te sens justicier en le faisant. Ouais, crime parfait, ça. C'est ça l'affaire, encore une fois, on revient à la conscience. Ouais. Là, tu le fais pour une bonne cause. C'est ça, se faire tous les riches qui nous volent. Ouais. Mm-hmm. Ou tuer quelqu'un d'extrêmement méchant, mettons. Ou, ouais, ça, je pense que je ne serais pas capable. Nous qui parlons des Simpsons à chaque épisode, c'était pas d'ailleurs le titre du pilote, Un crime parfait, où Bart volait des biscuits avec. Il se brûlait la main, là, dans une plaque à biscuits. Oui, The Perfect. Oui, oui, c'est exactement ça. J'essayais de l'oublier. Ouais. Voler des biscuits. Quijibo. C'était Maggie qui finissait à manger un biscuit de manière comique. Oui, c'était elle qui faisait le crime parfait. Mm-hmm. Ouais. Ben, on dirait que tout ça, voler des gâteaux, manger les vieux beignes jetés du Tim Hortons, ça, c'est des crimes parfaits. Donc, choisir son crime au niveau de ses compétences. Ouais. Ouais. C'est le plus important, ça. Mm-hmm. Ouais. Pas laisser de... On a sur Sacha Audet sur Twitter qui écrit « commettre un crime avec un policier ». Ça doit aider, mais je suis pas sûr si c'est parfait. Ça doit aider un peu. Ils sont imputables aussi, hein, je veux dire... Je vous pose une question. Constable. Après combien de temps vous pensez que le crime devient parfait? T'sais? Après combien de temps tu finis de stresser? Là, je pense que c'est comme ça. Ça dépend de la nature du crime, j'imagine. Ouais. Il faut vivre avec toute sa vie. Hein. Parce que si ça se trouve, il y a des gens, admettons, je pense à, dans certains pays où admettons, l'homosexualité est illégale, mais eux, ils commettent des crimes, ça veut dire, aux yeux de la loi de ces pays-là. Ouais. Mais si un jour, ils décident de déménager de pays ou que les lois changent, tout d'un coup... Ouais. Moi, je pense qu'il y a la notion de crime aussi. Ils peuvent se sentir criminels. Oui, c'est relative, ça. Peut-être aller travailler, faire changer des lois. Tu n'en avais pas parlé tantôt, non? Oui, oui. Mais je pense que ça peut être une solution, se faire élire dictateur d'un pays. Ou se proclamer dictateur d'un pays. Ouais. Et puis là, tu fais ce que tu veux, mon gars. Une chef pour tout le monde. Exact. Patron d'une entreprise aussi. Ouais. Exactement ce que les banquiers ont fait aux États-Unis, finalement. Mm. Se payer des salaires, tu sais, phénoménaux pour finalement mettre le pays dans la boîte. T'as vraiment quelque chose de gros à faire, là, parce que sur Twitter, il y a Gab Lefebvre qui écrit « Moi, je vote pour la dernière solution de Mathieu Bouillon. J'ai hâte d'entendre pourquoi j'ai voté. » OK. Mais je ne suis pas tout de suite à ma dernière solution. OK, parfait. Attendez. Non, j'allais dire un autre crime parfait. C'est un des personnages du film Atonement, qui, dans le fond, viole une enfant qui finit par tomber en amour avec lui et le mari. Donc, Et balaye! Ouais, mais c'est bon, ce film-là. C'est un peu un crime parfait. Il ne viole pas. Ben, c'est elle qui invente l'histoire, là? Ouais, un peu, c'est là, ça. Mais tu sais, ben, j'ai la poigné un peu en cachette. Là, je... Jerry Lee Lewis? Kieran Knightley. Ouais. Non, non, pas Kieran Knightley. Il punk pas la petite. C'est la petite rousse. Est-ce qu'on vous dérange? Ouais, excusez. Pose des questions. Ah! Hmm. Oh! Ouais. Ne pas ramener un film au club vidéo. Ça, c'est un peu un crime parfait. Là, hey, moi, non, parce qu'il t'appelle, ça. C'est pas long. Attends. Oui, c'est ça, il t'appelle. Ouais, moi, je l'avais rapporté, mais en retard, puis je leur devais au moins 20$, puis j'ai plus jamais loué le film. Là. Oui, ça, c'est un crime et parfait. Et à ouais. plusieurs endroits. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Hey, non, mais tu sais, tu loues un film, tu rapportes deux jours plus tard et... Ils font un chèque 20$. Tu, on dirait, tu sais, t'es mieux de l'acheter, à la limite. Tu fais, ouais. t'exagères, là. Ouais. Mm-hmm. Ou commettre un crime, mais c'est pas ta faute. Ouais. Moi, je m'explique, à un moment donné, j'ai mangé au Salanica, s'ils nous écoutent d'ailleurs, les Grecs du Salanica. C'est ça maintenant. Ça s'appelle plus Salanica, hein, il y sur a pas un café maintenant. Saint-Denis. Ouais. Moi, je suis encore le Salanica. Ouais. Mais un café maintenant. J'avais pas d'argent cash et ils ont eu une panne d'électricité pendant que je mangeais. Donc, quand je suis arrivé pour payer, j'avais juste ma carte Interact et je pouvais pas payer parce qu'eux, il y avait une panne d'électricité. J'ai dit, bon. Désolé, je peux pas payer. Moi, j'ai juste une carte. C'est inscrit dans la porte que je peux payer Interact. Fait qu'il m'a dit, pas de problème. J'ai dit, va-t'en. J'ai dit, reviens payer une autre fois. Puis je suis jamais retourné manger. Martin, c'est fermé. Mais je l'ai fait, moi, avec un parking mais de 2 piastres. C'est pas piastres. De ma faute. Ouais. J'avais pas de 2 piastres, moi. Non, je leur avais dit, oui, je vais revenir. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai. Ma sœur avait payé un déjeuner Interact. Il avait mal rentré le truc. 1,11$ pour, dans le fond, 2 déjeuners. Wow! Et on était censé coûter 111$. 111$. Non, mais quand même. Un 21. 111$ de déjeuner. Ouais. Elle s'en est rendue compte pendant qu'elle fait. Oui, oui. Tu sais, puis c'est conscient. Elle a vu l'erreur. Elle a fait OK. Elle est partie. 14$ de type. Ouais, ça a bien typé. Oui, crime parfait. Quelqu'un qui ne se rend jamais compte que tu as commis un crime. Là. C'est exactement. C'est le crime parfait. Poisson rouge. Ouais. Tu sais, toutes les expressions genre « Ah, c'est un crime que d'avoir coupé ses beaux cheveux », ça, c'est-tu un crime parfait, mettons? Je pense que oui. Ouais. Non, mais tu sais, faire bon. Un ACV... Crime que c'est bon. Ouais. Faire un ACV, perdre la mémoire à court terme, puis jamais se rappeler de ce qu'on... Un peu memento. Memento, ouais. Puis, ou évidemment, la machine à voyager dans le temps pourrait régler beaucoup de choses. Beaucoup de crimes parfaits, ouais. C'est quel restaurant qui offre le dessert crème glacée? Je pense que c'est Mike's. Oui, je pense que c'est Mike's ouais. aussi. Ça, c'est un crime. Tout des références. Ça, c'est un crime pour notre ami belge. Oui, mais tu sais, une crèmerie, mettons, qui offrirait un hybride entre un parfait et une crème molle, puis qui appelle ça le crime parfait. Oui. Ou un cream puff parfait. Le cream parfait. Le cream parfait. Le cream parfait. Le monde est un cream parfait. Ouais. Moi, j'ai une solution préférée. Ah ouais, donc? Puis c'est ta prochaine, Mathieu. OK. Bon. Faire une pétition pour rendre le meurtre légal. Oh! Yeah! Je pensais que tu allais parler d'inceste. Moi. Ah, non. Insiste pas, frère. Oh! Insiste pas. Moi, je pense que le crime bien ficelé à la Robin Hood où on redonne aux gens qui... Ouais. Je sais pas, c'est de la conscience, hein, ça rentre là-dedans. Oui, se donner bonne conscience. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans les Dexter, là, mais je pense avoir une job au sein de la police et ben du saradrap. Il est coupable de très mauvaises saisons. Je parle ici de la 2 et de la 5. Oh, ouais, j'ai peu écouté. Bon, je suis rendu à la 3. Ça a déjà passé une mauvaise. Ben, c'était pas pire. Il était toujours sur le bord de se faire prendre. Toujours sur le bord. C'est ça qui est parfait. Ouais. Il est toujours sur le bord. C'est parfait de même. On y touche plus. On sue beaucoup. Mais si on parle de série, il y a Breaking Bad aussi là, qui est parfait. Crime parfait. Ouais. Ah, il s'enfonce à chaque épisode. Ouais. Mais. Voilà. Baudouin, j'espère que c'était à ton goût. Des bonnes idées de crime. C'est pour offrir, hein? Donc, si tu sens que c'est pas assez bon, ben offre-le pas. Non, c'est ça, exact. C'est pas échangeable. Non, c'est ça. Et tu peux toujours aller mettre une note sur iTunes Store. Oui. Soit 5. Ou soit rien. Soit rien. Ouais. Voilà. Donc, si tu as déjà mis rien, voilà. Tu n'es pas obligé de le mettre deux fois. Mais tu peux aller mettre deux fois rien. Mais là, si j'ai bien compris, même si tout le monde mettait cinq. Ouais. Martin, va pas là. Non, va pas là. Tu n'irais jamais à avoir cinq. Ah, ça, c'est sur Balado Québec. Ouais, sur iTunes, là où ça compte, on est encore. Ah, mais sur iTunes, OK, oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit. Au top de notre cinq ou rien. Cinq ou rien. Inception, faut pas faire naître le germe de cette idée-là. Cinq ou rien. Ça serait vraiment plat. Cinq ou rien. Cinq ou rien, cinq ou rien. Mais messieurs, dames, ça se peut que la semaine prochaine, il n'y a pas de podcast. Ouais. Il y a peut-être une semaine de congé. On va l'écrire sur la page Facebook, ouais. Notre page de fans officiels ainsi que notre groupe. Donc, ou ça se peut qu'il y ait un podcast de Fred tout seul sur son iPhone dans une toilette turque qui s'enregistre. Ça serait drôle. Ça, c'est possible. C'est un défi. Ouais. Ou peut-être quatre podcasts collés ensemble. Oh! Il y a des possibilités. Ah ouais. Je vais le faire sur ma toilette. Ou un podcast sur Skype. Oh! Un pod Skype. Un pod Skype. Oui. T'entends pas, là. T'entends pas. Ta voix marche pas avec ta veste. T'es gelé. Bon. T'es frais à Montréal. Mais à quand une prestation live on the internet? On l'a déjà essayé sur Ustream. Non, mais avec iTunes, des fois, il y a des spectacles. Hein, puis, ouais. Je pense qu'il y a on l'a fait sur Ustream, puis c'est juste. Tu sais, personne ne regardait. C'est parce qu'après ça, les gens, ils vont pas télécharger notre podcast, ils l'écoutent live. Ben, c'est le même principe que quand vous faites des shows live au passage. Les gens l'écoutent après. Oui, mais sont moins. Moins la réaction. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Eh hey, bien, si vous avez des questionnements comme ça, vous pouvez nous écrire aussi. Oui. Hein? Vos problèmes, vos questionnements, vos commentaires, vos solutions, allez-y. Ouais. Facebook, Twitter, courriel. MIRC. Oui. Merci, bonsoir. Pas de problème. Oui. Messieurs, je vous le dis pas assez. Je suis content de vous connaître. Vraiment. Mais je dois vous tuer. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Il nous étrangle. C'était parfait, ça, Fred. Ah oui, parfait.